Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. XVIIIe épisode. Nessim a réussi à faire partir en secret Capodistria, compromis dans le complot. Leïla, elle aussi, a quitté l'Égypte pour le Kenya. Justine a disparu. Quant à Darley, désespéré par la mystérieuse désertion de son amante, il a accepté un poste d'enseignant dans une école de Haute-Égypte. Mais avant de partir, il allait être témoin d'un terrible drame. Le jour de la mort de Narus fut semblable à toutes les autres journées d'automne à Karmabougirg. Ou s'il fut différent, ce fut par un détail troublant dont la signification ne le frappa pas tout de suite, la furtive disparition de tous les domestiques qui le laissaient seul dans la maison. Nessim l'avait supplié de partir avec Leïla, mais il avait refusé, sachant pourtant que sans sa mère, la solitude de la maison serait très dure à supporter. Il se sentait coupé de tout, retranché dans un autre univers. Il ne pensait plus qu'à l'ardente certitude du rôle qu'il était destiné à jouer ici, sur sa propre terre et dans l'Égypte entière. Allô ? Narus ? C'est Nessim. J'arrive avec Balthazar et Darley. Balthazar va observer une nouvelle race de canards qu'on lui a signalé sur le lac. Peux-tu monter le télescope sur le toit ? C'est le meilleur endroit pour voir tout l'estuaire. Ce sera fait. À grandes enjambées saccadées, Narus monta prendre le télescope sur le balcon, puis gravit l'escalier extérieur en bois qui menait sur le toit et l'installa au milieu des tourelles et des pigeonniers. Il descendit au salon et prit un revolver dans le bureau, alla aux écuries, sella et brida son cheval et partit au petit trot en direction de l'est. Il se dirigea vers le grand Moupk. Il se raidit car il venait d'entendre bouger dans les fourrés. Narus ne parvint pas à identifier le bruit. Un rat d'eau plongea dans le canal et s'éloigna vivement à la nage. Au même moment, Balthazar, Nessim et moi approchions du manoir des Rosnen. On dirait un coup de revolver. Ce serait plutôt une carabine de petit calibre, un braconnier sans doute. Là, regardez, un homme qui s'enfuit. Vous n'avez pas entendu crier ? Narus, là, vas-y, bon. Vite ! Il était couché là, sur l'herbe, sous l'arbre votif, la tête et le cou appuyés contre le tronc. Il avait l'air d'examiner les blessures que les balles avaient faites à son corps. Seuls ses yeux pouvaient bouger. Son fouet était enroulé autour de lui. Balthazar mit pied à terre et s'avança lentement vers Narus. Je veux voir clair. Comme par enchantement, les domestiques étaient réapparus et ils se lamentaient à voix basse. Pendant qu'on le transportait dans un grand rideau rouge, Narus répéta de la même petite voix nette d'enfant. Je veux voir Cléa. Doucement, doucement. Doucement. Par ici. Mais pas si vite. Bon. Emmenez-nous dans sa chambre, je vous rejoins. Narus laissait maintenant échapper des gémissements et des grognements de douleur. Il avait les yeux fermés. Il ne pouvait pas entendre les paroles que Nessim échangeait au téléphone avec Cléa dans une autre aile de la maison. Il est mourant, Cléa. Mais Nessim, il ne m'est rien. Il n'a jamais rien été pour moi. Ne me forcez pas à venir. Oh, si vous pensez que je dois vraiment... Je ne pense rien. Il n'a plus longtemps à vivre. Lorsqu'on lui dit que Cléa s'était mise en route pour Carme, Un terrifiant combat commença dans la poitrine de Narus. Tous ses muscles se contractaient en grosses boules sous l'effort que lui imposait la tente. Balthazar, assis à côté de lui, immobile comme une statue, avait posé une main sur son front, tandis que, de l'autre, il maintenait solidement les muscles tourmentés. Calme-toi, mon chéri. Doux, mon joli. Va-t-il vraiment mourir comme cela, sans sa mère? Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il soit encore en vie. Ils restèrent ainsi pendant un moment. Puis, de la gorge poilue du moribond, jaillit un son terrible, un seul mot. Le nom de Cléa, lancé de la voix caverneuse d'un lion. Un foudroyant rugissement où se mêlaient la colère, le reproche et une infinie tristesse. Alors, Nessim, dehors sur le balcon, eut un bref sanglot, comme le claquement étouffé d'une tige de bambou qu'on arrache. La mort de Narus commençait. Balthazar, la tête baissée, récitait à mi-voix des vers grecs. Voici que la douleur de la séparation se lève comme une brise dans les haubans. De la mort de l'âme, figure de proue du corps livide, et que le fantôme du souffle gonfle les voiles de l'âme, ronde et éternelle. Quelques jours plus tard, je m'embarquais pour la Haute-Égypte. Je reçus une courte lettre de Cléa. Justine m'a écrit. Elle travaille dans un kibboutz en Palestine. Elle dit qu'elle reviendra quand il lui plaira. Mais pas pour reprendre sa vie d'autrefois. Ce n'est pas tant nous qu'elle a quitté qu'une certaine manière de vivre qui menaçait sa raison, sa ville, ses amours, tout ce que nous avions partagé. Ces lettres m'étaient utiles, car je perdais le sens de la réalité au point de mettre en doute mes propres souvenirs. J'avais peine à croire que j'avais pu vivre dans une ville comme Alexandrie. Je me souviens du travail éreintant de l'école, la fournaise des salles de classe, les marches solitaires dans la plaine grasse, où les riches récoltes se nourrissent d'ossements humains, le Nil charriant ses bouts noirs à travers le delta jusqu'à la mer, les paysans, infestés de billardioses, dont la patience et la noblesse perçaient sous leurs haillons témoignage d'une royauté dépossédée. Pendant toute cette période, je ne lus rien, ne pensais rien, ne fus rien. Un jour, comme je traversais la cour, le directeur de l'école m'appela. Quelqu'un voulait me parler au téléphone. C'est une femme, l'appel vient d'Alexandrie. Allô, oui? Darley, c'est Cléa. Je suis à l'hôpital grec. Mélissa est ici, elle est très mal. Elle va peut-être mourir. Et c'est maintenant que vous m'appelez? Elle n'a pas voulu que je vous le dise plus tôt. Elle ne voulait pas que vous la voyiez dans l'état où elle est. Si maigre, une toute petite chose. Mais maintenant, elle veut vous voir. Vous pouvez venir? J'arrivais au petit matin à Alexandrie. Balthazar m'attendait à la gare. Il me serra la main avec chaleur, puis il me dit d'une voix prosaïque. Elle est morte hier soir, la pauvre petite. Je lui ai donné de la morphine pour lui faciliter le voyage. Elle vous aimait, je crois. Je sais. Elle parlait de vous sans arrêt. Cléa a été avec elle jusqu'au bout. Jamais la ville n'avait été aussi belle dans l'air doux de cette matinée. Je reçus la légère brise du port sur mes joues rêches, comme le baiser d'une vieille amie. Il y a autre chose. L'enfant de Mélissa et de Nessim. Une petite fille. Elle est là-bas, au palais d'été. J'étais si absorbé dans la contemplation de la ville dont j'avais presque oublié la beauté que je ne saisis pas tout de suite ce que j'entendais. Je restais abasourdi, annihilé. Puis, nous gravîmes la colline où était situé l'hôpital. Balthazar parlait toujours, comme nous quittions l'ascenseur et cherchions notre chemin dans le dédale des corridors blancs du deuxième étage. Il me semble que par un de ces transferts dont seul l'amour est capable, l'enfant que Justine a perdu, Nessim l'a rendu... À Mélissa ? C'est bien ça, Balthazar ? C'est bien ça, Darley. Vous m'avez compris. Et vous pensez que moi... Oui. Dans la chambre, quelques infirmières s'affairaient et chuchotaient autour du lit. Sur un mot de Balthazar, elles s'éparpillèrent et disparurent. J'allumai une cigarette et m'assis près de Mélissa, sur une chaise, pour observer de plus près son visage. Puis je fis, en moi-même, promesse à la forme immobile de Mélissa que je prendrais l'enfant si Nessim consentait à s'en séparer. Puis, une fois ce pacte muet conclu, je déposai un baiser sur le grand front pâle et glacé et je l'abandonnai aux soins de celle qui allait la préparer pour la tombe. De l'hôpital, je me rendis directement rue Fouad chez Cléa. Quand Mélissa était à l'agonie, elle avait passé toute la journée avec elle. J'avais besoin qu'elle me raconte. Quoi vous dire, Darley, que vous ne sachiez déjà ? Le dernier jour, est-ce qu'elle vous a parlé de moi ? Un peu. Elle m'en voulait beaucoup, n'est-ce pas ? Mélissa ne connaissait pas ce sentiment. Et puis elle vous aimait pour votre faiblesse. Si vous aviez été fort, vous auriez effarouché un amour si timide. Elle vous a parlé de Justine et moi ? Elle m'a seulement dit, quand il m'a, d'une certaine façon, quittée, le monde tout entier a cessé d'exister pour moi. Et quoi d'autre, Claire ? Dites-moi. Elle m'a dit... Pardon, Darley, c'est une indiscrétion, mais... Puisque vous voulez savoir... Elle m'a dit que vous faisiez l'amour par désespoir, en pensant à Justine. Elle a ajouté que... que vous ne l'aviez jamais excitée, comme le faisaient d'autres hommes. Comme qui, par exemple ? Le vieux Cohen. Elle m'a dit que c'était un saligaud, mais qu'il avait toujours les lèvres humides de vin... J'en étais sûr. J'ai toujours su qu'il avait su la prendre. Il ne restait plus qu'une chose à faire, voir Nessim. Il m'accueillit dans sa bibliothèque. Il avait vieilli comme une femme. Ses hanches et son visage s'étaient épaissis. La légèreté de sa démarche avait complètement disparu. Un air d'absurde autorité avait remplacé sa délicieuse timidité d'autrefois. Je vous propose d'aller à l'étoile. Nous pourrions prendre un verre. Le cabaret a changé de propriétaire. C'est mieux qu'avant. Bienvenue, Prince Nessim. Venez, mes colons. Il est difficile de décrire l'étonnement que j'éprouvais à être assis à côté de ce double vulgaire du Nessim que j'avais connu autrefois. La remarque du barman alors que j'ai quitté la table ne fit que renforcer ma surprise. Il est vraiment devenu lui-même depuis que sa femme est partie. Tout Alexandrie le dit. Plus tard, cette nuit-là, la fantaisie le prit de me conduire à l'extrémité de la corniche, au yacht club où il avait donné cette fastueuse réception en l'honneur de l'arrivée de Mount Olive. Nous roulâmes en silence en regardant les vagues argentées mourir sur le sable du littoral. Nous fumions, et c'est au cours de ce silence qu'il me donna l'autorisation d'emmener l'enfant. Quelques Quelques jours plus tard, nous partîmes, elle et moi, en Grèce, sur notre petite île. Au début de l'été, je reçus une longue lettre de Cléa. Le récit d'une brève entrevue que j'ai eue il y a quelques semaines avec Justine vous intéressera peut-être. En apprenant que je devais traverser la Palestine pour me rendre en Syrie, elle me proposa une brève rencontre. Elle viendrait à la gare frontière où le train de Haïfa stationne une demi-heure. Le kibboutz où elle travaille se trouve à proximité. J'eus d'abord quelques peines à la reconnaître. Son visage s'est considérablement empâté et elle avait dû se couper elle-même les cheveux car ils lui pendaient dans le cou comme des queues de rat. Il ne reste plus aucune trace de son élégance, de son chic d'autrefois. Elle avait trouvé, affirmait-elle, le bonheur parfait dans ce qu'elle appelait le service communautaire. La façon dont elle disait cela suggérait une sorte de conversion religieuse. Ne vous moquez pas, Darley. Il est difficile, je sais, d'avoir de la patience avec les faibles. Plus je la regardais, plus je me rappelais le merveilleux démon qu'elle avait été pour nous tous, et moins je comprenais comment elle avait pu se transformer en cette petite paysanne boulotte, moins sèche et calleuse. De vous, elle a simplement dit, en haussant légèrement les épaules, « Il faut que je l'oublie. » La lettre de Cléa se terminait sur une note qui me toucha peut-être autant que son évocation de Justine. Tout cela me ramène à moi, car j'ai changé moi aussi, d'une façon assez curieuse. Cette vie indépendante et hautaine que j'ai toujours menée s'est transformée en quelque chose d'assez creux, d'un peu vide. Elle ne répond plus à mes besoins les plus profonds. Il semble que la marée se soit renversée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vers vous, mon cher ami, que mes pensées se tournent de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Puis-je être franche? Une amitié serait-elle possible sur ce versant de l'amour? Une ou deux fois, j'ai été prise du désir absurde de venir vous offrir mes services. Pour m'occuper de l'enfant, peut-être? Mais je crois que vous n'avez plus besoin de personne maintenant. Et que vous tenez à votre solitude par-dessus tout. Les cigales palpitent dans les grands platanes. La Méditerranée, d'un bleu magnétique, s'étend devant moi dans toute sa splendeur estivale. Quelque part, là-bas, derrière la ligne vibrante de l'horizon, il y a l'Afrique, il y a Alexandrie. Bientôt le soir tombera, et la nuit claire fourmillera d'une poussière d'étoiles. Je serai là, comme toujours, fumant au bord de l'eau. J'ai décidé de laisser la dernière lettre de Cléa sans réponse. Ce sera à elle d'interpréter mon silence, selon ses propres nécessités et ses propres désirs, et de venir me rejoindre si elle en éprouve le besoin. Tout ne dépend-il pas de l'interprétation que nous donnons du silence qui nous entoure? Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. 18e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Mohamed Rouabi, Narouz, Vanessa Larré, Cléa. Et les voix de Mohamed Abaïd, Lionel Robert, Selim Saber, Barbara Chavi, Estelle Clément Béalem, Graziella Delerme, Marion Cohen, Ella Marder, Perrine Tourneux, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.